Néons Huitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Des conducteurs de bus se lamentent devant la station Interpétrole située dans le quartier asiatique à Bujumbura. Chacun devait payer ce lundi une somme de 5000 francs burundais pour être approvisionné en carburant, mais ils n'en savent pas la destination. Toujours sur le manque de carburant, cette fois à Muyinga, au nord du pays, les propriétaires de véhicules demandent à l'État de les laisser s'approvisionner en bidon à partir de la Tanzanie. L'ONG locale Persem trouve incompréhensible le fait de faire payer une somme de 100 000 francs burundais pour avoir le permis de conduire, alors que la loi budgétaire pour l'année en cours prévoit 50 000 francs, vous l'entendrez. En page de sécurité, un homme a été tué par des inconnus hier dimanche sur la colline Matongo, c'est dans la commune Ndava, en province de Mwaro. Et dans la réserve naturelle de la Lukoko, en province de Wanza, un combattant a été tué et un militaire de l'armée grièvement blessé. Et puis au sport, 8 formations de football qui joueront les quarts de finale sont déjà connues. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Les conducteurs de bus se lamentent de la perception d'un montant de 5 000 francs burundais par l'Association des transporteurs du Burundi sur la station Interpétrole se trouvant dans le quartier asiatique à Bujumbura. Ils disent ne pas savoir où va cet argent. Le président de la Trabou nie les faits. Il indique que celui qui sera attrapé en train de collecter cet argent sera puni conformément à la loi. Les précisions d'Ali Dandaïkeza. Ces conducteurs de véhicules de transport se trouvent devant la station d'Interpétrole au quartier asiatique. Un des conducteurs indique que pour avoir du carburant, il faut d'abord présenter un petit papier qui est donné par la Trabou. Je suis arrivé à 5h du matin. Il y avait plus de 300 bus devant moi. Je me suis mis sur la file d'attente et c'est là que les autres chauffeurs m'ont dit qu'il faut que j'aille payer 5000 francs à la Trabou. J'y suis allé, on m'a donné un jeton que je vais présenter à mon tour. On m'a dit qu'on va me donner tout le carburant que je voudrais. Un autre qui était à cette station informe qu'ils ne savent pas où va l'argent qu'ils sont obligés de payer. Si tu ne payes pas ces 5 000 francs, on ne te donne pas de carburant. On ne nous a pas donné d'explication. Je n'ai pas encore payé, mais tous les conducteurs qui sont passés par ici ont dû payer pour être servis en carburant. On nous a dit qu'ils sont en train d'élaborer des fiches, mais nous ne comprenons pas. Qui gère cette station entre Interpétrole et Atrabou? Minani Bosco, président de la Trabou, indique quant à lui qu'ils ne font pas payer de l'argent à ses conducteurs. Dans notre association, on est en train de dresser la liste de tous les véhicules qui font le transport. C'est pour connaître la quantité de carburant qui est consommée par ces bus. De plus, ces listes sont transférées à notre ministère de tutelle. On ne fait pas payer ces listes et au sein de notre association, on s'engage à punir sévèrement celui qui sera attrapé en train de percevoir les 5 000 francs. Les petits papiers qui sont donnés à ces conducteurs de bus portent le cachet de la Trabou ainsi que le numéro de la plaque de chaque véhicule. Le directeur carburant au sein du ministère de l'Énergie et Mines indique qu'ils ne sont pas informés de la perception de cet argent. Il informe qu'ils vont travailler avec ceux du transport pour prendre des mesures irrelatives. Des programmes de voyage sont perturbés par des agents de voyage en véhicule à Muyinga, au nord du pays, suite à la carence de carburant. Les propriétaires de véhicules demandent à l'État de les laisser s'approvisionner, soit en bidon, de l'autre côté, en Tanzanie. Les détails avec Dieudonné Nzeiman. Depuis dimanche, les véhicules de l'agence de voyage Volcano sont aux arrêts, pas de carburant. L'agence Memento continue à fonctionner, mais là aussi, parfois, les programmes sont perturbés. Le ticket est élevé. De Muyinga Bujumbura, c'est 10 000 francs burundais. Mais montant pour les destinations de Mulambya, Bukeye, voire Ngozi. Certains propriétaires de véhicules partent se faire le plein à Kabanga en Tanzanie. Ils demandent au gouvernement de laisser les particuliers faire des approvisionnements de stock en bidon ou en fil à partir des pays voisins où le carburant est toujours disponible sur le marché. De Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci à Dieudonné. Deux stations d'aller et de repos vont être installées en zone Bugarama de la province Muramvya et en province Kayanza pour les véhicules empruntant le corridor nord. L'annonce est du secrétaire permanent au niveau du ministère des Burundais des Transports Au cours de l'ouverture ce lundi d'une réunion sur le développement et gestion des infrastructures du corridor nord, Deogracias Babare-Mboré a en outre précisé que le corridor central, via les eaux du lac Tanganyika, reste le moins cher. Suivez. Ces aires de repos, c'est pour permettre aux camionneurs ou aux transporteurs de se reposer ou bien d'ajuster au niveau des freinages. C'est pourquoi on a mis ça à Bugarama. Avant d'amorcer la descente, il faut qu'il y ait un repos pour voir la mise à niveau au niveau des véhicules. Il en est de même à Kayanza. Mais normalement, on doit avoir entre 200 km. Mais comme le Burundi est trop petit, on ne peut pas attendre 200 km de distance. C'est pourquoi on a retenu deux points. Pour le corridor central, point de départ, c'est le port d'eau d'Dar es Salaam. Pour le corridor nord, le point de base, le point de départ, c'est le port de Mombasa. Pour le moment, ce que vous avez vu la fois passée, on a eu un nouveau programme avec la Tanzanie qui nous aide à transporter le cargo burundais à partir d'Dar es Salaam jusqu'à Kigoma. Ça a eu comme effet de réduire le coût de transport. Maintenant, les marchandises du Burundi vont atterrir à Kigoma. Et après de Kigoma, on peut les prendre par bateau via le lac. C'est toujours le moyen ou le réseau le moins cher par rapport au transport routier. Mais sinon, pour ce cas-là, il faudrait aussi encourager les importateurs burundais à privilégier ce circuit du réseau ferroviaire qui passe par Kigoma et en empruntant aussi le lac Tanganyika jusqu'au port de Bujumbura. Sinon, au niveau du cargo burundais, vous allez savoir que nous avons 350 000 tonnes à Dar es Salaam. Si on doit transporter par chemin de fer, pour le moment, la capacité est d'eau à peu près 150 000 tonnes. Les 200 000 tonnes restent là pour les camions. Le permis de conduire biométrique devrait être acheté à 50 000 francs burundais au lieu de 100 000, comme l'indique l'article 69 de la loi budgétaire, exercice 2017. Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parsem, trouve que c'est incompréhensible de collecter un montant qui n'est pas celui figurant dans la loi budgétaire au moment où elle n'est pas encore révisée. Je vous propose de l'écouter. Constatons deux bizarreries par rapport à cette situation. D'abord, la loi des finances est assez précise sur ce dossier. Le permis de conduire, c'est le prix est fixé à 50 000 francs. Mais actuellement, on est en train de percevoir 100 000 francs par permis sans qu'il y ait eu un éventuel amendement, une éventuelle révision de la loi des finances de par le Parlement burundi. Deux, la destination finale de cette collecte de fonds, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas clair le compte qui constitue la détention de ces fonds parce que ces fonds devaient être perçus par l'OBR. À l'instar de la perception des fonds de contrôle technique par l'OBR pour payer le service de contrôle et technique livré par l'OTACO. Justement, nous constatons un problème qui nécessite une clarification, un problème de transparence qui nécessite une clarification. C'est pour cela que nous demandons en urgence au ministre des Finances, au ministre de la Sécurité publique, au ministre de la Bonne Gouvernance, d'être clair sur cette situation et à l'OBR de nous dire comment l'OBR attend de récupérer ces fonds et au Parlement burundais d'engager une enquête pour savoir la destination finale de ces fonds. Parce que nous constatons une anomalie. Quand il y a une anomalie dans un système de fonctionnement, il faut demander ceux qui sont concernés pour donner la clarification, pour donner la lumière, pour éviter les soupçons, parce que cette situation n'augure pas un phénomène de transparence comme ça doit caractériser la gestion de la chose publique. Une connexion lente, caractérisée par des coupures, est liée au manque de la technologie haut débit et des opérateurs qui n'ont pas des capacités pour donner accès à une assez bonne connexion. Tels sont les propos du ministre de la Communication qui indique qu'il y a déjà un projet en cours pour apporter la connexion au débit et qu'autour de 6000 km du réseau de fibres optiques sont déjà disponibles. Cela a été dit lors d'un point de presse ce lundi dans le cadre de préparer la journée des technologies de l'information et de la communication ce 17 mai 2017. Suivez le ministre Nestor Wangmukunzi. Je dirais que au Burundi, on n'a pas encore ce que nous appelons le haut débit parce que c'est cette technologie qui est utilisée partout dans le monde pour pouvoir avoir une connexion très rapide, une très bonne connexion. Mais cela dit, ça dépend peut-être de quel réseau. Je sais que chez certains opérateurs télécoms, ils ont une assez bonne connexion. Malheureusement, on se rend compte que, soit dans les cyber ou ailleurs, les gens n'ont pas assez de capacité pour pouvoir permettre une bonne connexion. Évidemment, il y a encore un pas à faire. Et c'est dans cette perspective que le pays, en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications, on vient de finaliser le projet de politique large bande au Burundi. Le document est en passe d'être présenté à l'autorité pour que nous puissions le valider. Et c'est ce document-là qui va servir de lanterne à toute la politique de déploiement de la connexion haut débit. Mais je vous dirais d'ores et déjà que le réseau de fibre optique disponible au Burundi, en tout autour de 6000 km de fibre optique, impressionne plus d'un. Parce que avec ce réseau, nous sommes outillés pour pouvoir offrir une connexion haut débit et presque sur tout le territoire national. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13h09 à Bujumbura et sur Isanganiro. Un certain Gahungu Cyprien de la colline Matongo, c'est dans la commune Ndava en province de Mwaro, a été tué hier dans la journée. L'administrateur communal dit que cet homme de 65 ans rentrait chez lui de retour du marché. Il a trouvé à son domicile des gens qui lui ont donné un coup de hache à la tête et il a rendu l'âme sur le champ. Le motif de cet assassinat reste inconnu. L'administrateur de la commune Ndava renseigne que deux personnes ont été arrêtées pour un enquête. Un combattant a été tué et un militaire grièvement blessé. C'était hier dimanche dans la réserve naturelle de la Rukoko, dans la commune Gihanga, en province de Bubanza. Des sources militaires indiquent qu'un groupe d'hommes armés s'est heurté à une patrouille militaire et il y a eu échange de tirs. Spescaritas Kabanyan. C'était ce dimanche dans la mi-journée, au moment où des tirs intermittents ont été entendus dans la réserve naturelle de la Rukoko, entre la 3e et la 4e transversale de la commune Gihanga. Il s'agissait, selon des témoins sur place dans cette réserve de la Rukoko, des militaires de la Force de défense nationale qui étaient en patrouille et qui se sont heurtés à un groupe d'hommes armés qui seraient des bandits armés selon l'administration locale ou encore des combattants selon les habitants de Gihanga. Il y a eu alors un échange de tirs et l'un de ces hommes non encore bien identifié est mort sur le champ. Son fusil a été saisi. Un militaire de la Force de défense nationale a été grièvement blessé et il a été vite évacué vers l'hôpital. Selon des informations en provenance des forces de l'ordre, les sources sur place dans la Rukoko précisent également que ce groupe d'hommes armés de fusils s'est replié par après en direction du pays voisin, la République démocratique du Congo. Merci Aspes Caritas Kawanyana. Les habitants de la colline Gasegni qui ont été chassés du périmètre abritant le futur palais présidentiel après la démolition de leur maison disent vivre dans une situation déplorable. Une famille qui avait été logée par un bienfaiteur a été chassée par ce dernier en fin de semaine dernière. La mère de famille, Petroni Ukuru, dit qu'elle passe la nuit à la Belle Étoile et demande au président de la République de prendre leur dossier en main. D'autant plus que les habitants de Gasegni ont été chassés de leurs parcelles sans indemnisation. Suivez. Je ne connais ubuzima turimo bumeze nabi ubu kugeza ubu naho twari twasavye indaro ubu batwirukanye. Nous sommes dans une situation très déplorable. Quelqu'un m'avait logé avec mes enfants mais il nous a déjà chassés. Nous dormons à la Belle Étoile sous un arbre car je n'ai aucun franc pour payer le loyer et je n'ai nulle part où aller. Je suis obligée de me coucher sous un arbre avec mes enfants. C'est là où nous avons passé la nuit. Il nous a mis dehors vendredi passé mais c'est samedi. Dit qu'il a mis les cadenas sur la maisonnette qu'il nous avait prêtée. La pluie qui est tombée le soir et toute la nuit s'est abattue sur nous sous cet arbre. Mon appel va droit au président de la République. Je le supplie de prendre en main notre dossier afin d'y apporter une solution favorable. Sinon, nous sommes abandonnés dans la rue. Franchement, je suis fatigué. Je suis dépassé. Je ne sais plus quoi faire. Que le président nous trouve au moins un abri pour nos enfants. Le ministère de l'Environnement ayant en charge cette affaire ne s'est pas encore exprimé sur ce dossier. La rédaction Isanganiro cherche toujours des éclaircissements de sa part. Certains parmi les commerçants opérant au marché central de Rumonge au sud du pays se lamentent. Une somme de 10 000 francs burundais sans quittance est exigée à chacun pour qu'il ait une autorisation d'exercer leur métier sur les nouveaux stands construits en dur. Le commissaire de ce marché qui collecte ces fonds indique que c'est pour payer un employé de la commune qui supervise les travaux de réaménagement du dit marché. L'administrateur communal de Rumonge n'en est pas au courant. Jean-Pierre Misago. Selon certains commerçants interrogés, ils déclarent qu'ils doivent payer au préalable 10 000 francs burundais avant de commencer à étaler leurs marchandises dans les stands qu'ils ont eux-mêmes aménagés en dur. Pour eux, cet argent sans quittance est un vol pur et simple pour des intérêts d'un groupe de personnes et demande que cela s'arrête. Théo Louimana, commissaire à ce marché, reconnaît qu'il collecte cet argent en inscrivant seulement les noms de ces commerçants dans un registre. Il indique que cet argent sert à payer un agent communal qui assure la surveillance de ces travaux et dont le principal rôle est d'éviter des conflits entre les commerçants dont les carreaux sont limitrophes. À la question de savoir la destination de cet argent collecté, Célestin Itanga, administrateur communal de Rumonge, renvoie la balle au collecteur de cet argent, arguant qu'il n'en sait rien. Sur environ 800 carreaux que compte ce marché communal loué par la Semaroupi, seuls 160 carreaux n'ont pas encore été réaménagés en dur selon le commissaire de ce marché. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. En page politique, le président du parti Radebout se dit satisfait de la composition de la liste des membres désignés par le président de la République pour proposer les amendements de la Constitution du Burundi. Selon Jean-Dodieu Mutawazi, les membres de la commission répondent au profil souhaité pour ce travail. Quand le décret est tombé, on était dans un atelier qui avait été organisé par l'Ombudsman. On était presque tous les partis politiques agréé au Burundi. On était avec les indépendants, notamment la Misère Burundi, on était avec les religieux, on était avec aussi la société civile. Nous avons pu alors échanger sur les 15 membres de la commission. Nous avons constaté que les membres de la commission répondaient au profil qui avait été décrit par le premier décret présidentiel qui précisait la qualité des membres ainsi que leur mission. Deuxièmement, nous avons constaté que le parti au pouvoir était représenté, que les indépendants étaient représentés, que l'opposition extra-parlementaire était représentée, que les Hutus, les Tutsis, les Twas et même d'autres étaient aussi représentés, qu'ils soient de la société civile. Mais ce que nous comptons faire, bien que nous soyons confiants, nous attendons d'abord pour voir la qualité de leur travail. Nous sommes confiants qu'ils pourront faire un bon travail, mais nous n'hésiterons pas à juger objectivement la qualité de leur travail. Surtout qu'ils ont à leur portée tous les outils nécessaires. Il y a l'accord d'Arusha, il y a la constitution actuelle, il y a le rapport qui a été remis par la CNDI, mais également il y a différents rapports de ce que nous avons échangé autour du facilitateur Benjamin Mukapa ainsi que le facilitateur Yoweri Museveni. Donc nous sommes confiants, nous sommes optimistes qu'ils pourront donner un bon projet de constitution à présenter au peuple burundais. À vous entendre, toutes les forces politiques et sociales sont représentées dans cette commission. C'est l'impression que nous avons eue. Ça signifie que même l'opposition radicale est représentée. Nous pensons bien parce que sur les 15, nous n'avons pu identifier qu'une dizaine. Donc nous estimons que parmi les 5 autres, l'opposition radicale comme les scénarios de d'autres doivent être sûrement représentés parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas s'ils se plaignent. S'ils ne se plaignent pas, c'est sûr qu'ils sont représentés, même si entre eux aussi, ils ne se connaissaient pas. Et si jamais ils ne sont pas représentés dans cette commission, ça sera une lacune ou bien ça pourra passer? Non, s'ils ne sont pas représentés, nous leur conseillerons aussi bien eux que la commission à ce qu'on trouve une séance pour qu'ils soient écoutés aussi, parce qu'ils ont droit d'être écoutés. L'acteur politique Tassian Siomana considère que la mise en place de la commission chargée de proposer le projet d'amendement de la Constitution est prématurée. Il dit que le dialogue d'Arusha devrait d'abord terminer et d'ajouter que certaines dispositions de la Constitution interdisent la révision en cas de crise. Suivez. Il est inopportun Et il est inconcevable que dans la conjoncture actuelle, on puisse mettre en place une commission constitutionnelle, s'il faut l'appeler ainsi. D'abord, la raison majeure est qu'on viole impunément l'article 299 de la Constitution qui précise, et je paraphrase, qu'aucune procédure de révision de la Constitution ne peut être envisagée quand elle porte atteinte à l'unité nationale, à la cohésion du peuple burundais et à la réconciliation nationale. Et ne peut être envisagée en plus quand elle peut porter atteinte aux principes démocratiques, à la souveraineté nationale et à l'intégrité du territoire. Deuxième raison. Le Burundi, par l'entremise de la communauté de l'Afrique de l'Est, s'est engagé dans un dialogue inclusif pour arriver à une solution à la crise burundaise qui secoue notre pays depuis 2015 jusqu'à nos jours. Alors, une partie à ce dialogue qui s'arroge le droit de réviser la Constitution par les temps qui courent démontre à suffisance qu'elle n'a pas la volonté de trouver la solution concertée à la crise burundaise, ce qui est porteur de tous les dangers. Et nous ne pouvons pas nous engager sur ce terrain-là. Est-ce que vos observations ne vont pas à l'encontre de la volonté de la population, étant donné que la CNDI dit que la révision de la Constitution a été demandée par la population? Oui, c'est la chanson de tous les jours. Quand on parle de la population burundaise, quand on parle des Burundais, on dirait qu'il y en a qui ne sont pas des Burundais, qui ne font pas partie de cette population. Deux, je suis en possession d'un document faisant état de l'exposé des motifs pour la révision de la Constitution qui avait été envisagée à la fin de 2013, début 2014. Et voilà, par hasard, tout ce que voulait le CNDD-FDD et ses institutions comme devant être changé dans cette constitution sont ceux-là même qui sont chantés aujourd'hui comme étant les propositions de ceux qui ont été consultés via le processus sous l'égide de la CNDI. Et donc, ça a été un processus biaisé parce que la conclusion avait été préparé à l'avance. Est-ce que, à la place d'accorder une certaine orientation ou une certaine tendance à la commission qui vient d'être mise en place, pourquoi ne pas chercher à intégrer cette commission afin, vous aussi, de faire vos propositions par rapport à ce qui peut être changé dans la Constitution? Ce n'est pas une attitude négativiste ou ce n'est pas le fait qu'on n'a pas de propositions constructives à faire. Mais comme je vous le disais tantôt, c'est éviter de danser au rythme du CNDD-FDD ou de l'équipe qui veut mettre au rencard l'accord d'Arusha et la Constitution. Cela ne peut pas être notre démarche. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, estimait que le dialogue d'Arusha, qui n'est pas encore arrivé à son terme, ne peut pas faire traîner le processus d'amendement de la Constitution. Évariste Ndayishimiye dit que les conclusions du dialogue d'Arusha vont rattraper le train en marche. On l'écoute, c'était lors d'un point de presse qu'il a animé vendredi dernier. Le CNDD-FDD salue la détermination du facilitateur dans le dialogue inter-burundais, son Excellence Benjamin William Mkapa, qui ne ménage aucun effort pour apporter sa sagesse et son savoir-faire dans le processus de dialogue en cours à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et cela, d'autant plus que le dialogue est ancré dans la culture du CNDD-FDD, car il est le socle. Il est le socle pour la création d'un meilleur avenir et pour la prévention des conflits inutiles. Vous avez démontré que vous soutenez les efforts des facilitateurs, mais aujourd'hui, il y a une commission qui va changer ou bien faire des propositions par rapport à l'amendement de la Constitution. Et finalement, quelle sera la place de ce qui sortira de ce dialogue extérieur? Donc vous dites qu'il faut que le pays s'arrête pour qu'on attende les résultats du dialogue inter-burundais. C'est-à-dire qu'il faut que le pays s'arrête parce qu'il n'y a pas de résultats. Je vous dis, le gouvernement continue à vaquer à ses obligations. Les autres vont rejoindre le train en marche. Oui, au sport, 8 formations de football qui vont s'affronter en quart de finale et 2 tournois baptisés Coupe du Président sont déjà connus. Parmi ceux qualifiés figurent les formations des corps de défense et de sécurité, à savoir Muzinga et Rukinzo. Le championnat de football féminin en première division au niveau national arrive dans la phase du demi-finale. C'est au moment où celui des masculins arrive en sa 28e journée. L'actualité sportive de ce lundi avec Evariste Ndikobanyang. En fin du week-end dernier, le tournoi baptisé Coupe du Président était en 8e de finale. Samedi, Lydia Lidic et Burundi Sport of Africa a battu Magara Star sur le score de 2-0. Espoir a éliminé Standard sur 4 pénalties à 3 après avoir fait un match nul de 0 buts partout. Rukinzo a éliminé Kayanza United sur le score de 2-0. Olympic Star s'est imposé sur le score de 3-0 contre Ngozi City. Ce dimanche, Rumonge City a éliminé Mososhuga sur le score d'un 1-0. Les Crocos ont fait match nul avec Muzinga. La formation militaire a éliminé les Crocos sur 10 pénalties contre 9. Atletico Olympique a battu à domicile Musongati sur le score de 2-0. 8 formations, à savoir Muzinga, Rukinzo, Messager Ngozi, Espoir, Atletico Olympique, Rumonge City, Lydia Lidic et Burundi Sport for Africa et Olympic Star se sont qualifiés en quart de finale. Muzinga croisera le fer avec Rukinzo, Messager Ngozi contre Espoir, Atletico Olympique contre Rumonge City, tandis que Lydia Lidic et Burundi Sport for Africa croisera le fer avec Olympic Star. Le championnat national du football féminin en première division est entré dans la phase de demi-finale le week-end passé. En Ngozi, les Lyonnais ont battu ce dimanche Fofila 6-4. Kerebuka de Makamba a battu Ubuntu de Kayanza 1-0. À Bujumbura, 11 étoiles ont largement dominé CSA de Gatumba 8-0, tandis que Colombe s'est imposé 1-0 contre PVP de Buyenzi. Côté garçon, le championnat national est à la 8e journée. Il ne reste que 2 matchs avant la fin du championnat. Lydia Lidic et Burundi Sport for Africa a mille chances de remporter la Coupe de cette année sur 2 matchs qui restent à jouer. Cette formation n'a besoin que d'un point pour être sacré de l'édition 2017. Evariste Nzikobanyanga. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaïo pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir. Léonce Vitaliho.